relations humaines à la culture du viol, les performativités queer au sein des parcs à chiens de Portland, Oregon. Un article qui démontre qu'il existe une culture du viol chez les chiens liée à une oppression systémique que l'on peut transposer sur le masculinisme chez l'être humain. Ou encore, passer par la porte de derrière, défier l'homo-hystérie masculine et la transphobie à travers l'usage des sextoys pénétratifs. Voici deux études parmi une vingtaine qui se sont révélées être des canulars et qui pourtant ont été publiées pour certaines dans des revues à comité de lecture, prouvant de façon criante les biais idéologiques d'un pan de la recherche en sciences humaines. Mais qu'en est-il pour les sciences dites dures ? Idéologisation de la recherche quand la science veut trop y croire, c'est le problème orienté qui va nous intéresser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces problèmes liés à la politisation ou à l'orientation idéologique des recherches, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Chalard-Fillaudeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences, co-directrice de l'UFR Langues et Cultures étrangères à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Et Philippe Hunemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences Techniques. C'est à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture où que vous soyez. Vous pouvez suivre également en replay via franceculture.fr ou comme toujours en podcast via cette fois-ci votre application préférée, mais toujours et en complément sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors on va en revenir aux faits pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas entendu ou suivi cette histoire. Peut-être pouvez-vous d'ailleurs nous la raconter vous-même, l'histoire de ce canular qui a été dévoilé au mois d'octobre dernier. Canular de trois personnes, un journaliste et deux chercheurs, Hélène Pluck-Rose, James Lindsay et Peter Bogossian, qui a suscité d'ailleurs un tollé dans le milieu des sciences humaines et sociales, et plus particulièrement dans le domaine de ce qu'on appelle les cultural studies, Philippe Hunemann. Oui, alors c'est un canular, donc c'est trois personnes qui sont d'ailleurs américains, pas chercheurs mais pas universitaires si je me souviens bien, et qui ont écrit une quarantaine d'articles. Au bout du compte, ils en ont réussi à publier sept, je crois, qui étaient donc avec des idées qui sont celles que vous avez présentées, qui sont assez drôles, bizarre, apparemment totalement paradoxal ou fausse, dans des journaux, soit de cultural studies, soit d'études féministes, ou de d'études critical race studies, je crois. Et leur idée, c'était de montrer que dans ces journaux-là, on peut publier n'importe quoi, pourvu qu'on aille dans le sens d'une doxa idéologique progressiste, pro-minorité, pro-gender, anti-oppression, etc. Donc l'idée, c'était de montrer que le mélange entre valeurs et études scientifiques, donc la méthodologie était complètement incorrecte, et il se réclamait donc de l'histoire de Alan Sokal, qui est ce physicien qui a fait publier dans une revue de Social Text, qui était une revue de proto-études culturelles. On était en 96. 96, voilà. Ouais. Un article qui voulait rien dire. Voilà. Alors c'est on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra, oui. Donc c'est assez différent. Et en particulier, il me semble que c'était vraiment très très professionnel. Ils ont fait ça avec un chargé de com. Il y avait des vidéos. Les gens qui font des canulars, normalement, Sokal ou les autres qu'on connaît, on fait ça dans son coin, on envoie le truc, on rigole un peu. Et ensuite, on explique longuement, éventuellement, avec des. Sokal a fait un livre, il y a Saint-Martin et Manuel Quinon sur Mafessoli ont fait un article de 30 pages. On explique très longuement les enjeux, en fait. Et ça il y a assez peu ça. Et au fond, ça a juste cliver la communauté scientifique entre des gens qui disent oui, de toute façon, tout ça, c'est sciences sociales, c'est sciences humaines, c'est complètement un truc de gauchiste qui est pas sérieux et pas, voilà. Et de l'autre côté, des gens qui disent, y compris et même beaucoup, en fait, dans le milieu des sciences dures, qui disent, mais c'est canular, en fait, méthodologiquement, ça veut rien dire, de toute façon, vous pouvez passer dans, éventuellement, en physique des matériaux, des articles qui sont complètement bidons aussi, et c'est pas le problème des sciences sociales. Voilà. On peut juste vous préciser, Hélène Pluck-Rose, elle est journaliste, hein, et James Lindsay, lui, est titulaire d'un doctorat en mathématiques et essayiste. Peter Bogossian est professeur de philosophie à l'université de Portland. Voilà, oui, pour dire le statut exact de ces trois personnes. Un mot, peut-être, Anne Chalard-Fillodeau, pour revenir et pour compléter ce que vient de dire Philippe Unemann sur ce grand canular. Oui, je souhaiterais ajouter qu'ils se sont quand même ouverts sur les enjeux de ce canular, sur une plateforme, sur un site qui est animé, rédigé par Madame Pluckrose. Donc ils ont expliqué la démarche, les cibles également, parce que ils ont en particulier orienté la critique vers ce qu'ils appellent les grievance studies, donc des études qui orchestrent un certain nombre de grief, c'est de se plaindre, voilà, c'est doléances, voilà, exactement. Voilà, autour de positions dites de victimes, de minorités, donc doléances émanant de personnes qui s'estiment discriminées sur le plan de la race, du genre, du sexe. Donc ils ont pris le temps d'expliquer quelle avait été la démarche, les cibles, les résultats également. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, qu'il convient de lire pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce canular, c'est qu'ils éclairent bien ce que les canulars ont de fécond et d'ambivalent. Oui. Mmh. Parce que, à mon sens, les canulars jettent une lumière crue sur les failles du système éditorial, d'une part, et sur la fragilité d'un nombre de studies, d'un pan de la recherche, en tout cas dans le contexte là américain, d'autre part. Ces canulars le font de façon d'autant plus crue et efficace qu'ils recourent à l'ironie. Ça me semble très efficace. Oui, hein. Bien sûr. Mais par ailleurs, ils sont conscients, c'est ce que j'appelle l'ambivalence du canular, ils sont conscients du fait que le canular prête le flanc à des généralisations abusives. Quelqu'un qui n'est pas au fait de ce qui se fait dans la recherche et notamment dans le vaste domaine des cultural studies sera porté à incriminer toute la constellation, alors qu'en définitive, et là Pluckrose, Lindsay, Bogossian ainsi dessus, en définitive, ils ciblent. Il cible les grievance studies. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que au sein des SHS, les cultural studies sont un domaine de recherche qui prête déjà beaucoup le flanc, pour le dire comme ça, à la critique, qui est un domaine de recherche qui est critiqué déjà pour être un domaine de recherche qui serait en fait une sorte de fauné d'une idéologie politique qui cherche à s'incarner scientifiquement. Ça n'est pas la première fois que les cultural studies sont victimes de ce type de canular. Vous évoquez tout à l'heure Sokal, mais il y a eu les Badiou Studies, qui sont un autre avatar important en France, sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce qui est pris pour cible, c'est un pan de la recherche qui est déjà intrinsèquement critiqué pour être un fauné d'une idéologie politique. Oui, je pense qu'il y a deux aspects, si vous voulez. Le premier, c'est qu'il y a quelque chose qui me semble très ancré au monde académique ou intellectuel américain. Et avec des enjeux qu'on connaît assez peu ici, en fait, d'abord parce que Critical Race Studies, on n'a pas. La question de la race en France, elle est quand même assez différente. C'est des clavages qui structurent la question de la race aux États-Unis, et ici, c'est très différent. Si vous voulez, ça fait assez longtemps qu'il y a une discussion dans le monde académique américain sur la diversité politique. C'est-à-dire, il y a eu des enquêtes sur le fait que, par exemple, en particulier en sciences sociales, en sciences humaines, le ratio de démocrates versus républicains ou gauche-droite, ça peut aller de 1 à 20 ou de 1 à 50. Donc, ça devient extrêmement rare. Et donc, il y a des auteurs qui disent, il faudrait... au fond, comme il y a de la diversité de genre, enfin, tout ce que vous voulez, mais il faudrait qu'il y ait de la diversité politique aussi, ce qui est quelque chose de compliqué. Hein, dans ces domaines-là qui sont vraiment adossés à une idéologie politique très forte, c'est effectivement compliqué d'imaginer des gender studies qui seraient des gender studies conservatives ou de droite. Enfin, ça paraît un peu antinomique en tout cas. Et alors l'autre aspect pour moi, alors si, oui, effectivement, par rapport au canular lui-même, je pense que ce qui était en jeu dans le canular de Sokal ou celui sur Badiou. En fait, c'est quelque chose d'assez différent, c'est que c'était le non-sens. C'est-à-dire, Sokal ou sur Badiou, ce qu'on voulait montrer, c'était qu'il y a des choses qui n'ont aucun sens, qui peuvent passer. Il faut redire que vous êtes à l'origine de ce canular des Badiou Studies. Effectivement, mais en l'occurrence, l'enjeu à chaque fois, c'est de dire, voilà, ça n'a aucun sens, et on sait bien que ça n'a aucun sens, parce que c'est nous qui l'avons écrit, donc on est bien placé pour savoir que ça n'a aucun sens. Dans le cas de ces canulars-là, ce qui est beaucoup plus délicat pour moi, c'est que ce sont des idées qui sont... Voilà, si je vous dis, dans les parcs à chiens, on sépare plus les chiens qui montent sur d'autres chiens quand c'est mâle-mâle que quand c'est mâle-femelle, et ça montre qu'on est plus... On est homophobe. Bon. Ça a l'air bête, mais c'est pas, ça fait sens, je comprends. Et puis, est-ce que c'est si bête que ça, après tout? Enfin, je veux dire, alors ce qui est vrai, c'est que dans l'article, leur méthodologie est complètement absurde, mais, enfin, mauvaise. Mais ça, après, il suffit d'ouvrir un journal scientifique pour trouver des études. J'ai vu une étude sur les jumeaux, avec des très grosses conclusions sur les jumeaux, il y avait 18 cas. Mais avec 18 cas, statistiquement, vous faites rire. Ça passe. Et alors, pour plein de raisons qui ont rien à voir avec les sciences sociales ou humaines, ça passe dans des revues scientifiques, etc. Donc, pour moi, c'est assez différent, en fait. Ces deux types de canulars. Et si vous voulez, le canular, c'est généralement, vous faites quand un article est rejeté, il est rejeté soit parce que les idées sont trivialement fausses ou trivialement vraies, c'est-à-dire oui, on sait déjà, soit parce que la méthodologie est mauvaise, soit parce qu'il est absurde. Alors dans le cas l'INSEP, le CROSS, Bogossian, c'est les deux premiers cas mélangés. Et encore une fois, le problème, c'est de dire que oui, on rejette parce que c'est trivialement fausse, ou l'inverse, on a accepté dans cette revue quelque chose de trivialement faux, donc il y a un problème avec la revue. Après tout, qu'est-ce que ça veut dire, trivialement faux? Enfin, il y a quelque chose d'arbitraire là-dedans, c'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose de... c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du parc à chiens, enfin, dans les autres aussi, plus le fait qu'on mélange un peu les articles qui ont été retenus, et on commente ceux, en fait, qui ont été rejetés. On commente les rapports d'évaluateurs. Pour redire le résumé de ce canular qui s'est étalé sur plus d'un an, sur les 20 études qui ont été proposées, 6 seulement ont été rejetées, 7 ont été acceptées, 4 ont été publiées, 3 étaient sur le point de paraître au moment où le canular a été révélé, et les 7 dernières étaient en cours de correction-révision, c'est-à-dire qu'elles avaient été approuvées sur l'idée, mais on demandait de faire quelques petits ajustements. La question que j'aimerais, parce qu'on va étendre notre discussion, on ne va pas rester sur ce canular, c'est le point de départ, mais la question qui me semble tout de même intéressante, parce que ça fait partie des controverses importantes qui ont été soulevées par ce canular, c'est celle du bilan de ce canular. Un bilan qui est certes édifiant, mais qui est aussi jugé beaucoup inquiétant, parce que finalement, prêtant le flanc aux critiques d'un anti-intellectualisme, d'une critique parfois de la droite, parfois de la droite dure, qui d'un seul coup en profite pour jeter l'opprobre sur l'ensemble de ces sciences sociales et humaines. Qu'en pensez-vous, Anne Chalarfillo? J'en pense que, comme dans beaucoup de domaines en sciences, il faut faire preuve de circonspection. Et malheureusement, les lecteurs ne font pas toujours la part des choses. C'est en cela que ces canulars peuvent être extrêmement dangereux. Parce qu'un lecteur non averti va s'engouffrer dans la brèche et jeter l'anathème sur toutes les recherches qui se font dans le domaine. Et voilà, c'est extrêmement regrettable. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que on débat ici en France de canulars qui se déroulent dans des sphères académiques dont les logiques sont différentes. Oui. Dont la culture est différente, et en France on peine parfois à comprendre les enjeux de ces canulars. Par exemple, on a du mal à concevoir que la dimension morale soit aussi prégnante dans les débats, alors que finalement dans le contexte américain, il est normal, il est même légitime d'aborder les choses sous l'angle moral. Alors bon, là, c'est particulièrement extrême dans le cas de ce canular. Hein. Mais dans d'autres cas de figure, des questions d'ordre moral sont abordées, mais interprétées par le public français comme des questions d'ordre idéologique. En France, en l'occurrence, Eugénie Bastier, dont on connaît les positions politiques, s'est engouffrée dans la brèche pour dire « Ah ah, on le disait depuis longtemps, regardez les gender studies, c'est de la blague, idem pour Valeurs Actuelles. » C'est pas un peu dangereux, Philippe Hulman, vous qui avez utilisé ce type de procédé dans les Badiou Studies, vous avez été traité de tous les noms d'oiseaux d'ailleurs par Badiou, Roudinesco, etc. Est-ce que c'est pas effectivement un peu dangereux parce que ça jette l'opprobre en voulant dénoncer un système isolé ou en tout cas précis, on jette l'opprobre sur l'ensemble d'une démarche scientifique, sociologique qui, elle, quand même, est solide, attestée et pâtit du coup de ce type de démarche. Oui, je pense que c'est une vraie question je crois que ça doit pas être, si on pense qu'il y a vraiment un problème, ça doit pas nous empêcher de dénoncer ce problème que de se dire que ça va être récupéré par des gens dont on pense que de toute façon ils ont complètement tort. Ça me semble pas quelque chose d'essentiel. Ceci dit, effectivement, sur l'histoire de Badiou, de toute façon, on le savait bien. Enfin, on ne prêche que les convaincus dans cette histoire-là. Donc, les choses continuent comme avant. Ceci étant, dans le cas de l'INSEP, le Creuset et tout, la manière dont la chose a été effectivement médiatisée, et ça a complètement échappé. C'est-à-dire, par exemple, il y a un point qui était la manière dont ça a été couvert. Des fois, je lisais. En France, des choses comme oui, on voit que la sociologie c'est une science qui ne va pas du tout. Les revues de sociologie, de fait, ont rejeté les articles qui ont été présentés par l'INSEP et les autres. Donc évidemment, on mélange tout. Alors oui, et souvent on mélange tout parce que les dégâts collatéraux sont tout de même importants pour le grand public. Mais d'une certaine manière, est-ce que vraiment il y a des gens qui avaient une opinion positive de la sociologie ou des sciences sociales et qui ont changé d'opinion à cause de ça? Je ne pense pas. Je pense que c'est des gens qui avaient déjà une opinion négative et ça n'apporte rien. Mais quand on voit la difficulté, par exemple, des gender studies à s'implanter sur le territoire français, par exemple, est-ce que ce genre justement d'initiative n'est pas trop déconstructiviste en quelque sorte et ne fait pas plus de mal que de bien au final, quitte éventuellement à fermer des UFR ou en tout cas avoir des réactions directes de directeurs d'université qui disent non mais attendez, effectivement c'est de la plaisanterie. Ça se joue pas à ce niveau-là et là ça n'a aucun effet. Ce qui arrive dans les journaux par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, je vois pas comment ça pourrait jouer sur le statut des gender studies en France. Et ça c'est vraiment des logiques qui pour moi n'ont pas grand-chose à voir. Je pense que aux États-Unis plus parce que États-Unis, l'enjeu, c'est vraiment des gens qui disent il faut arrêter de financer les sciences humaines et sociales avec de l'argent des contribuables. Mais ici, on voit quand même ça, je pense, beaucoup moins. Oui, les enjeux financiers sont du reste une composante importante du débat, parce que d'une certaine manière, on peut dire qu'on évolue, nous, en France, dans un espace relativement protégé. Oui. On a également des contraintes financières non négligeables. Mais nous avons ce confort en tant qu'enseignants et chercheurs qui fait que nous pouvons travailler et nous affranchir aussi de ces contraintes-là. Le regard qui compte, c'est celui de nos pairs lorsque nous publions dans ces revues. La problématique est autre aux États-Unis où les publications doivent être financées. Et à l'occasion de ces canulars, d'aucuns dénoncent les problématiques d'intéressement des éditeurs qui vont publier en priorité des articles qui appâtent d'une certaine manière. Et la question de la correction par les pairs et de la mise en valeur et de la façon dont on publicise, entre guillemets, ces articles et ces recherches est un autre des éléments du débat qui va continuer à nous occuper tout au long de cette heure. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, dans la méthode scientifique, nous parlons d'idéologisation de la science et des recherches suite aux canulars liés aux cultural studies que nous venons d'évoquer dans cette première partie en compagnie d'Anne Chalard-Fillodeau et Philippe Hunemann. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, vous en parliez, Philippe Hunemann, le maître étalon contemporain en la matière, celui qui peut-être l'un des premiers a mis un coin dans le système dans l'époque contemporaine, puisqu'on ne va pas remonter le fil de l'histoire des sciences aujourd'hui. C'est Alain Sokal en 96, on le disait, professeur de physique à l'université de New York, qui fait paraître un article dont le titre est « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique ». Ce qui est intéressant dans le cas Sokal, c'est que Sokal est professeur de physique. Alors, c'est un professeur de physique qui va émettre une critique en direction des SHS, mais d'un seul coup, on commence à être sur une sorte d'entre-deux entre les sciences dites dures, qui, pour beaucoup, et on l'a entendu dans le cas des Cultural Studies, se disent à l'abri de ce type de canular, en disant « nous, on ne peut pas nous attaquer, nous sommes des sciences soit théoriques, soit expérimentales, on ne peut pas nous tromper, nous avoir de cette manière-là ». Et pourtant, les choses sont évidemment beaucoup plus nuancées que cela, Philippe Hudemann. Oui, je pense que dans cette histoire de canular, il y a beaucoup d'enjeux superposés et qui sont pas forcément identiques ni même liés les uns aux autres. Et l'un des enjeux, c'est effectivement le processus même de la construction de la recherche scientifique, en fait. Et ça touche aussi bien les sciences dures que les sciences sociales. Un autre enjeu, c'est le rapport entre la question des biais. Alors, il peut y avoir plusieurs types de biais. Il y a des biais idéologiques, il y a aussi des biais de financement. Et donc, le rapport entre, mettons, les biais de valeur et puis le contenu de la science. Et ça, c'est pas quelque chose qui est forcément extérieur aux sciences dures aussi, en fait. Et ce sont des questions qui sont extrêmement, extrêmement compliquées. C'est-à-dire que au départ, on se dit, on voudrait que la science ce soit complètement objectif et que ce soit des faits et puis que les valeurs soient à part, enfin que ce soit quelque chose d'autre. Bon, je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est un peu moins simple que ça. En tout cas, pour ce qui est des sciences dures, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez connu qui est le prix Ig Nobel. Alors c'est ce prix qu'on décerne à des études qui sont extrêmement drôles. Par exemple, il y en avait une, si je me souviens bien, c'était est-ce que vraiment on peut pas, vous avez cette expression en anglais, you can't compare apples and oranges. Donc on peut pas comparer les pommes et donc les oranges. Donc c'était un article où les types se demandaient si on peut vraiment comparer les pommes et les oranges. Donc il y avait des espèces de photos, des formes géométriques de pommes et d'oranges et tout ça. Est-ce que, donc ils ont eu un prix, si je me souviens bien, ils ont eu un prix Ig Nobel, ceux-là. J'en ai quelques-uns sous le nez en médecine cette année, un prix pour avoir utilisé des montagnes russes pour essayer de faire passer plus rapidement des calculs rénaux, en chimie pour avoir mesuré à quel degré la salive humaine était un bon agent de nettoyage pour des surfaces sales. Enfin, vous voyez ce type de recherches-là qui sont pour autant des recherches sourcées à vocation scientifique a priori sérieuse et qui ne sont pas juste là pour le décorum. Oui, absolument. Et en fait, ça inspire deux réflexions. La première, c'est que, et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, le fait qu'une idée soit complètement absurde ou bête et passe dans une revue, c'est sans doute pas quelque chose de propre aux sciences sociales ou aux cultural studies. Il y a ça partout. Mais c'est un peu arbitraire de trouver quelque chose de bête. C'est-à-dire que, par exemple, en deuxième moitié du 19e siècle, il y avait ce type qui s'appelait Lobachevsky, donc un mathématicien russe, qui s'est dit « Bah, je vais imaginer des géométries où vous pouvez faire passer une infinité de... » Vous voyez, le cinquième axiome d'Euclide, donc par un point. Vous avez un point, une droite, vous pouvez faire passer uniquement une droite par ce point parallèle à la première droite. Et donc Lobachevsky imagine une géométrie où en fait non, ça c'est pas vrai, vous avez une droite, un point, et vous pouvez faire passer par ce point une infinité de droites. Alors quelqu'un pourrait dire c'est complètement idiot, hein. Il construit une géométrie comme ça, c'est la base des géométries, puis Riemann les développe et c'est la base de tout un ensemble de géométries dites non-euclidiennes qu'on utilise maintenant en physique relativiste. Donc, est-ce que vraiment le critère « vous avez une idée, mais cette idée est complètement idiote, elle ne devrait pas être publiée » est un bon critère? Non, je ne pense pas. Le Lobachevsky, c'est un exemple extrême, mais il y en aurait plein. Peut-être qu'il y en a dans les prix Ig Nobel, des choses qui deviendront comme ça. Peut-être que on peut, et peut-on dire d'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser, Anne Chalard-Filodo, peut-on dire que les sciences dures sont peut-être un peu plus à l'abri de ce qui serait une idéologisation strictement politique, comme les Cultural Studies, mais qu'elles sont en revanche tout aussi exposées à des biais qui sont des biais d'opinion? Oui, alors, à l'abri d'une idéologisation, oui et non, parce que je suis convaincue qu'il y a de l'idéologie hein, au fondement des sciences, qu'elles soient dites de sciences humaines ou dites dures, tout simplement parce que une science repose sur une vision du monde et surtout sur des représentations du savoir-être en tant que chercheur, du savoir-faire, comment procéder, et puis de son objet aussi. Et c'est là que on peut rejoindre l'idéologie et voilà les manipulations qui peuvent être faites de certains objets, parce que on se pose la question du pourquoi, c'est-à-dire la cause première, quels sont les dangers derrière mon action, mais aussi la question du pour et plus loin quoi. Pour quel objet ? Je faisais un distinguo entre idéologisation et opinion au sens de quand on bachelar dans la formation de l'esprit scientifique, quand il dit l'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit ses besoins en connaissance. Philippe Hulman, peut-être. Oui, je pense que la vision de bachelar, c'est effectivement l'idée que on a une intelligence qui est adossé à nos besoins, hein. Les maths, ça sort de la géométrie, ça sort de la mesure, ça sort du fait qu'on a besoin de s'orienter dans la nature, etc. Mm-hmm. Et qu'en même temps, la vraie science commence par une rupture avec ce sens commun orienté sur les besoins. Bon, alors après, ça a été très longuement discuté par tous les gens qui font de l'histoire ou de la philosophie des sciences, ça. Mais effectivement, les manières de penser de la science semblent à rebours de l'opinion. Si vous faites de la physique quantique, cette table, c'est pas une table, c'est une fonction d'onde. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est cette idée-là. Bon, néanmoins, il y a une chose qui est importante, c'est que la science, c'est un processus social. Et donc, il y a quand même cette idée que quand quelqu'un avance une idée dans le collectif qui pratique de la science, d'autres individus vont prendre cette idée et, pour dire vite, la critiquer et taper dessus. C'est exactement ce qui est en jeu avec le processus d'évaluation par les pairs. Et c'est quoi le rapport de ça et de l'idéologie ? C'est en fait l'idée que le passage par cette espèce de filtre qui est la critique par tous les autres va en quelque sorte gommer les idéologies, puisque les autres ils ont une autre idéologie. Donc au fin du fin, ce que vous avez à travers tout ces tamis qui sont les différentes procédures de critique, c'est quelque chose qui risque d'être, qui va être relativement pur d'un certain nombre d'idéologies ou de préconceptions. Alors ça marche pas de manière absolue, ça marche sur un temps très long, etc. Mais jusqu'à un certain point, il y a quand même ce processus qui est vraiment lié à la structure sociale de la science, le sociologue Merton appelait ça le scepticisme organisé, qui fait qu'on peut avoir relativement conscience dans le caractère un peu dénué d'idéologie des productions, mais jamais totalement. Oui, Anne-Charles Figliodeau, et puis j'aurais sur la physique quantique, j'aurais une objection à vous soumettre dans quelques instants. Oui, cela va contribuer à gommer les traits idéologiques. Et cela va contribuer également à faire tomber une à une les incertitudes, parce que c'est de cela qu'on parle en fait. Les sciences relèvent de l'interprétation, qu'elles soient de sciences humaines ou qu'elles soient dures. Et c'est là que l'intervention des pairs revêt toute son importance, parce que un chercheur va interpréter, puis ses pairs vont interpréter ce que le chercheur a interprété, au carré. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, on arrive, non pas à la vérité, mais à un consensus scientifique. Oui. Mais alors peut-être qu'il faut gommer pour les sciences dures, ou en tout cas mettre entre parenthèses, au moins temporairement, cette question d'idéologisation, pour parler effectivement de biais d'opinion. Et pour ce qui est de la physique quantique, j'ai un exemple intéressant à vous soumettre à l'un et à l'autre, fondé sur un des derniers numéros de la revue britannique The New Scientist, qui, suite à une enquête, montre que finalement, l'observation des ondes gravitationnelles est peut-être une erreur d'interprétation. Et l'enquête est passionnante, on va y revenir d'ailleurs certainement dans un des prochains numéros de la méthode scientifique, mais elle montre en gros, pour la résumer à grands traits, que finalement, au moment où on construit ce détecteur d'ondes gravitationnelles, LIGO, qui est une énorme machine très importante, et très imposante, eh bien, cette machine est construite pour détecter ces ondes gravitationnelles et elle donne immédiatement des résultats, tout de suite, à tel point que les scientifiques mettre le pied sur le frein en disant attendez, ça vient trop vite ces résultats, on s'y attendait pas. Et puis ils passent tout ça parce qu'il y a évidemment beaucoup de bruit, donc par beaucoup de filtres, etc. Et ils finissent par dire effectivement, nous sommes d'accord pour dire aujourd'hui qu'il y a un consensus sur le fait que nous avons détecté des ondes gravitationnelles. L'enquête du New Scientist dit il y a là un grave biais de confirmation, on construit une machine pour détecter quelque chose, on le trouve trop vite, et la démarche donc est immédiatement biaisée. Ça veut dire qu'on est là face à une forme, alors je remets de côté le mot idéologisation, mais en tout cas de biais d'opinion, de biais de confirmation, qui est la volonté absolue d'aboutir à des résultats expérimentaux parce qu'on trouve ce qu'on cherche en quelque sorte. Philippe Hulman. Oui, alors je pense que ça illustre, hormis le fait que, évidemment, je pense que c'est des choses tellement complexes et c'est des appareils tellement lourds et tout, qu'il faudra des années avant de mesurer en fait le sens de ce qu'on a détecté, etc. Mais de manière générale, ça pose la question de toute bête. Quand je suis chercheur, je fais une recherche. Bon, généralement, j'ai une idée. Cette idée, elle me vient de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, etc. Mais j'ai une idée et ensuite, je veux la tester, argumenter pour, etc. Je suis pas complètement indifférent à cette idée. Je veux dire, c'est pas, il y a pas un panel d'idées puis j'en prends une au hasard. Je vais dire tiens, je vais tester ça. Je suis engagé d'une certaine manière dans un pari sur la vérité de cette idée. Et je vais écrire un article. Alors, je sais pas s'il faut parler de, je ne parlerai pas de biais de confirmation. Je pense que c'est juste cette idée qu'on s'engage soi-même en faveur de l'idée qu'on veut défendre et on va la défendre par l'article. Ce qui fait que, en quelque chose qui corrige un petit peu ce biais initial, un peu comme je le disais, c'est tout le système de production de la science qui fait qu'il y en a d'autres qui sont pas du tout engagés en faveur de cette idée. C'est des scientifiques, hein, je parle pas d'idéologie, qui vont regarder ce que je fais et le tester. Mais s'il n'y a pas ce dispositif de construction sociale de la science, on ne sortira pas du fait que celui qui argumente en faveur d'une idée n'est pas neutre, évidemment, puisque c'est son dîner, et que donc on ne peut pas prendre son argumentation au pied de la lettre. Et voilà, donc c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect de construction sociale, mais pas du tout en un sens relativiste, hein, juste c'est le dispositif qui permet ça. Anne-Charlotte Fillodeau. Oui, cette notion d'engagement est cruciale en matière scientifique. Le chercheur, il est porté par son action, il s'engage aussi vis-à-vis de son objet. Et par rapport à cela, c'est là qu'intervient la notion de responsabilité. Il faut qu'il puisse répondre de ce qu'il avance. Mais tout en répondant de ce qu'il avance, il se place parfois sur des terrains glissants parce que ce que certains pourront appeler une trope, une envie, le porte peut-être à il trouve des choses, mais des choses comme vous l'avez dit qu'il souhaitait voir trouver et qui vont dans un sens et parfois il ne prend pas ce recul là parce qu'il est porté par cet engagement initial. J'aimerais peut-être pour conclure cette première partie retisser un lien avec finalement la critique qui était faite aux cultural studies suite à ces différents canulars, et quelque chose que l'on peut certainement décalquer d'une manière ou d'une autre aux sciences dites dures, c'est finalement le fait de confondre la corrélation. J'observe deux phénomènes, je peux constater empiriquement qu'ils sont corrélés l'un à l'autre, et de vouloir à tout prix, pour les raisons de biais de confirmation qu'on vient d'évoquer ou pour d'autres raisons, y voir de la causalité. Philippe Hunemann, la racine du mal, finalement, c'est pas cette volonté de confusion pour un biais de confirmation, pour quelque biais que ce soit, de dire voilà, j'observe des phénomènes corrélés, je les confonds et je les fais passer pour des phénomènes causaux parce que ça arrange le sens de ma recherche d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'effectivement c'est quelque chose de fondamental dans l'activité scientifique. On voit des corrélations et puis enfin on en cherche et ensuite on se demande ce que c'est. J'avais fait un peu mes devoirs avant de venir. Il y a un site remarquable qui s'appelle Spurious Correlations, donc corrélations fallacieuses, hein, et qui donne plein de corrélations vraies, hein, statistiques. Donc par exemple, le taux de divorce dans le Maine est strictement corrélé avec la consommation par tête de margarine. Donc où les âges de Miss America est très très très bien corrélé avec le nombre de morts par vapeur trop chaude, sauna, etc. Je pense que ça ne nous viendrait pas trop à l'idée de dire que l'un a causé l'autre. Ceci dit, quand une corrélation, c'est toujours exactement ça, c'est des variables qui varient ensemble. Alors, dans certains cas, effectivement, on va se dire qu'il y a une relation de causalité derrière, parce que c'est les cas qui nous intéressent. Et c'est les cas qui nous intéressent aussi parce que, si vous voulez, la science, c'est, quand on s'en sert pour contrôler les choses et modifier les choses. Et contrôler les choses, ça veut dire connaître une relation de causalité et jouer dessus. Donc, on est forcément très intéressé par la causalité quand on voit des corrélations. Et le problème, pour moi, c'est que, à la fois, si vous voulez, en grande partie, notre accès à la causalité, c'est les corrélations. Donc, quand on va voir une corrélation, on va dire, il y a peut-être une causalité. Et en même temps, il est logiquement impossible de déduire une causalité simplement de la corrélation. Il faut savoir autre chose à côté, en fait. Anne Chalard-Filodeau, sur cette envie légitime du chercheur, du scientifique, à trouver des rapports de causalité là où il n'y a effectivement finalement que peut-être un lien entre les morts sur la route et la quantité de margarine. Oui, une envie qui peut le fourvoyer, et je pense en particulier à ces études qui sont incriminées. Derrière ces études, il y a aussi cette envie, ce besoin d'épouser, d'être dans l'empathie. Alors là, je parle vraiment de... je ne parle pas de toutes les cultural studies, hein. Je parle des grievance studies telles qu'elles ont été éreintées dans le canular. Et finalement, le recul nécessaire dans la pratique scientifique se mue en une tension vers la compréhension, être avec son objet de recherche. C'est ce qui a donné lieu au développement, je pense, aux Critical Animal Studies, ouais, qui sont sans doute à l'origine de cet article sur la pratique du viol chez les chiens. Mais voilà, et c'est aussi l'un des éléments qu'ont étrié l'INSEE, Bogosian et Pluckrose, c'est ce manque de recul critique, hein, qui fait que, eh bien, très rapidement, de la corrélation, on tire un rapport de cause à effet. The moon is hanging in the purple sky. The baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes, and they park in basic places. The priest is preaching from a shallow grave. Counts his money, then he paints you safe. Talking to the young folks share the same jokes, but they meet in older places. So don't tell me about your success. Your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have going. The sun is shining as it's always done. Coffin dust is a phase of everyone. Talking about the rich folks. The poor create the rich hoax, and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have gone. Sixto Rodriguez, alias Sugarman, Rich Folks Hawks sur France Culture à 16h, bientôt 40 minutes Hawks, parce que nous parlons entre autres de canulars et autour de, des cultural studies que nous avons évoqués dans la première partie de cette émission. Nous en parlons avec Anne Chalard-Fillodeau, qui est maître de conférence, co-directrice de l'UFR Langues et Cultures étrangères à l'Université Paris 8, et Philippe Huneman, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques à Paris 1. Alors, lorsqu'on parle d'idéologisation de la recherche, à ne pas confondre avec la méconduite ou la fraude scientifique, qui sont encore autre chose que nous avons abordé dans d'autres émissions. On parle donc principalement de biais, dont ce fameux biais de confirmation dont il a été question il y a quelques secondes, qui enjoint les chercheurs de découvrir précisément ce qu'ils cherchent, même si leurs résultats disent parfois un peu autre chose. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé à l'hôpital Saint-Antoine à la rencontre d'un épidémiologiste en quête de biais. Bien oui, l'épidémiologie est une discipline intéressante pour mettre en évidence là où les biais peuvent se produire au cours d'une expérience, au niveau de la sélection, des mesures effectuées, au niveau encore de l'interprétation des résultats. Mais les choses ne sont pas si simples pour comprendre comment une étude peut être orientée par une intention au départ. Pour voir comment se prémunir de ces biais et être le plus objectif possible, j'ai retrouvé Fabrice Carra, professeur en santé publique et spécialiste des maladies infectieuses. Trois grandes catégories de biais qu'on identifie en épidémiologie sont les biais de sélection, la façon dont on va constituer un échantillon et y compris le suivre dans le temps. Ensuite, les biais de mesure, la façon dont on va recueillir les informations. Et puis la troisième catégorie sont les biais de confusion, c'est le fait que finalement lorsqu'on trouve une association entre une exposition, par exemple le fait de fumer, et un événement, par exemple le fait d'avoir un cancer, eh bien cette association peut être médiée par d'autres facteurs qu'il faut aussi prendre en compte pour pouvoir bien interpréter les résultats. Sur l'exemple d'un traitement médical, quand on veut tester un médicament, comment on peut trouver des solutions pour éviter ces biais ou du moins les réduire? Oui, alors effectivement, la bonne solution, c'est de recourir à l'essai thérapeutique avec un tirage au sort des sujets qui vont avoir le médicament qu'on cherche à évaluer. Ça, c'est la meilleure façon de répondre à la question de l'efficacité et de la sécurité du médicament. Et dans ces études, on est astreint et on est soumis au même type de biais que dans les études épidémiologiques classiques, c'est-à-dire que la façon dont on va constituer l'échantillon d'analyse va être potentiellement biaisée, la façon dont on va mesurer la prise de traitement va être potentiellement biaisée, il y a aussi des facteurs de confusion. Le plus célèbre d'entre eux, lorsqu'on s'intéresse à l'efficacité d'un médicament, c'est ce qu'on appelle le biais d'indication. Ce biais d'indication, il se traduit comme, finalement, c'est les patients les plus graves qui vont avoir les premiers, les nouveaux traitements. Bien entendu, on va trouver que le nouveau traitement est associé à une gravité plus importante. On arrive à un paradoxe, en fait. Oui, c'est-à-dire que les traitements ne sont pas efficaces sur les personnes les plus à risque. C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'on va effectivement mettre en évidence que c'est les patients les plus sévères qui ont les nouveaux traitements, les molécules qui sont susceptibles d'avoir une meilleure efficacité. Et donc, on va conclure que le traitement n'est pas efficace. Et au contraire, qu'il est associé à une forme plus grave de la maladie. C'est typiquement ce qui s'est passé lorsque les trithérapies sont arrivées pour le traitement de l'infection par le VIH, du sida. Les premiers patients qui ont bénéficié de cette trithérapie étaient les patients les plus graves. Et donc, effectivement, si on regardait la survie de ces patients par rapport aux patients qui n'avaient pas cette trithérapie, elle était moins bonne. En corrigeant, on a pu montrer qu'au contraire, les trithérapies apportaient un vrai bénéfice de santé. Un autre problème intervient au niveau de l'échantillonnage quand on constitue une cohorte. Est-ce que c'est possible d'avoir un échantillonnage représentatif? Alors, la question de la représentativité, c'est une question importante, mais il faut bien imaginer que l'objectif, c'est d'être représentatif par rapport à un objectif scientifique qui est posé, et donc de bien définir la population cible, ce qu'on appelle la population cible en épidémiologie de l'étude. Par exemple, si vous voulez faire une étude pour mesurer l'incidence de la grippe, le nombre de nouveaux cas de grippe dans la population, la meilleure façon d'être représentatif, c'est de tirer au sort un échantillon de la population. C'est toujours le tirage au sort, de toute façon, la meilleure façon d'être représentatif, et d'être capable de suivre tous les sujets pour voir ceux qui vont faire la grippe et ceux qui ne vont pas faire la grippe, et d'en tirer des conclusions. Mais le problème de la représentativité, c'est parfois un faux problème en relation avec la question qui est posée scientifiquement. Si la question qui est posée scientifiquement, c'est celle d'une association entre, par exemple, un comportement pour la grippe, se laver les mains souvent, et le fait d'attraper la grippe pendant l'hiver, eh bien, vous n'avez pas forcément nécessité de sélectionner un échantillon représentatif de la population générale pour pouvoir mesurer cette association et l'évaluer de façon à peu près correcte. Et donc, les conclusions que vous pourrez tirer sur votre échantillon, même s'il n'est pas représentatif de la population générale, elles seront valables globalement. Donc, ce problème de représentativité qui est souvent mis en avant n'est pas forcément pertinent. Il dépend essentiellement de la question qui est posée, et celle-là, elle nous amène à définir c'est quoi la population à laquelle on veut extrapoler les résultats. Comme vous êtes biostatisticien, on pourrait se dire si la question posée est plus large et intègre des paramètres environnementaux, en utilisant la loi des grands nombres en statistique, est-ce qu'on pourrait essayer de moyenner ce genre de problème ? Alors, au niveau des techniques d'analyse biostatistique, et notamment dans la prise en compte par des systèmes de pondération des sujets qui vont constituer l'échantillon d'analyse et qui permettent d'extrapoler les résultats à une population qui n'est pas exactement la même que celle qui est constituée par l'échantillon. Ça permet de corriger des disparités géographiques ou sociales des personnes qui constituent un échantillon. Donc maintenant, ces méthodes-là sont devenues un peu, je dirais, monnaie courante dans le domaine de l'épidémiologie biostatistique et sont souvent appliquées pour pouvoir redresser finalement des distorsions qui ont été créées dans la constitution de l'échantillon. Est-ce que vous pensez que ces méthodes-là immunisent contre une certaine forme d'idéologisation d'une thèse qu'on voudrait absolument défendre ? Alors, une bonne étude, de mon point de vue, c'est une étude qui, de toute façon, pose une hypothèse claire et essaie d'y répondre. Alors, il y a aussi des études qui partent un peu à la pêche sans avoir d'hypothèse a priori très bien définie, mais voilà, les résultats qui sont issus de ces études sont toujours facilement interprétables. Donc une bonne étude, c'est vous avez une hypothèse, par exemple, le tabac cause-t-il le cancer du poumon ou est-il associé au cancer du poumon, et l'étude que vous allez mettre en place cherche à y répondre. On peut avoir des distorsions, mais globalement, une étude, elle doit assurer la capacité de répondre à l'hypothèse avec un minimum de risque d'erreur. En statistique, on considère qu'il y a deux grands risques d'erreur. Le premier, c'est de trouver quelque chose qui n'existe pas. Ça, on essaye de l'éviter. Et le deuxième, c'est finalement de ne pas trouver quelque chose qui existerait. Et ça, c'est la taille de l'échantillon, en particulier le nombre de sujets qu'on va inclure dans l'étude, qui va permettre de limiter ce risque d'erreur. Voilà l'étude des biais en épistémologie, en épidémiologie, pardon, excusez-moi. Peut-être une réaction à ce que vous voulez entendre en quelques mots, Philippe Hulman. Oui, je pense que d'une part, ça illustre très bien le souci qu'on a quand on fait des études de réfléchir avant à limiter les biais possibles. D'autre part, enfin, deux réactions. La première sur le... Donc le tabac, c'est l'exemple type, hein, on a montré dans les années 50, on a fini par montrer qu'il y avait une grosse association statistique entre tabac et cancer du poumon. Et on sait maintenant, parce qu'on a une petite idée des mécanismes par lesquels les substances dans le tabac produisent des effets cancéreux chez les gens, qu'effectivement c'est une relation de causalité. Il y a un très grand scientifique qui s'appelait Ronald Fisher, qui est l'un des inventeurs de la méthode expérimentale et des statistiques, et aussi de la génétique des populations. C'était un immense scientifique et un très grand fumeur. Il n'y a presque pas une photo de lui sans pipe. Et quand il était vieux, quand il a su ça, et ce qu'il a dit, c'est... Oui, mais on n'est pas sûr que ça prouve quelque chose sur la causalité, parce qu'imaginez que vous ayez un gène qui vous pousse, un, à être fumeur, et deux, à avoir le cancer, et bien vous aurez exactement ces résultats. Et il avait complètement raison. Enfin, c'est faux ce qu'il dit, mais c'était une hypothèse tout à fait plausible. Et l'autre aspect, c'est que il distingue bien les deux erreurs statistiques, c'est-à-dire trouver quelque chose qui n'existe pas, ou ne pas trouver quelque chose qui existe. Et si vous construisez une étude scientifique... vous pouvez la construire de manière telle à plutôt éviter le premier type de problème ou plutôt le second. Et les raisons pour lesquelles vous allez choisir d'éviter plutôt le premier ou plutôt le second, elles peuvent être scientifiques, elles peuvent être de plein de raisons possibles aussi. Ouais. Oui, allez, non, pardon. C'est là où les valeurs peuvent entrer, en fait. La porte d'entrée que j'aimerais vous soumettre justement sur ces questions, puisque l'émission n'est pas tant sur les biais on les connaît, ils sont identifiés, on en a parlé plusieurs fois. La question de ces biais et comment ces biais deviennent finalement des biais idéologiques et comment on bascule vers la question de l'induction d'une opinion dans des recherches scientifiques ou d'une idéologisation, c'est que c'est ce qu'on entendait dans le reportage, c'est ce que j'aimerais vous faire ce sur quoi j'aimerais vous faire réagir, Anne-Charles Fillodeau, c'est que ces biais vont tendre à vouloir aller dans le sens d'une promotion, dans le sens d'une compétition scientifique, où il faut que la science soit de plus en plus visible, soit de plus en plus percutante, soit de plus en plus reprise. Il faut que cette science soit de plus en plus valorisante pour le chercheur. Et c'est là qu'on peut tomber dans un phénomène finalement d'une catégorie d'idéologisation. Qu'en pensez-vous ? Oui, sans doute. Mais finalement, c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est que peut-être que voilà, dans cette poursuite de la valorisation, certains s'engouffrent dans une direction unilatérale et sont victimes de biais. Mais les biais finalement sont une injonction à la rectification par les autres. Ces biais induisent des discussions d'une extrême fécondité, et comme dans beaucoup de domaines, finalement, c'est de l'erreur que naît, encore une fois, je veux éviter somme de vérité, mais que naît une conclusion qui nous approche au plus près, du réel. Du réel, voilà. J'aimerais prendre en fait deux trois exemples concrets. Il nous reste une dizaine de minutes sur des sujets qui sont particulièrement victimes, à mon sens, de biais idéologiques, et notamment la responsabilité qui n'est pas que celle des scientifiques, peut-être également celle des médias. Dans un cas très récent, c'est une étude qui a eu grand bruit dans la presse. Écoutez comment la presse en a témoigné. Le bio est-il un remède anti-cancer ? C'est la première fois qu'une étude de l'INRA révèle que les gros consommateurs de bio sont moins touchés par le cancer. Les fidèles du bio, attention, hein, ceux qui mangent plus d'un aliment sur deux d'origine bio réduisent leur risque de cancer de 25%. Et c'est encore plus marquant pour les cancers du sein chez les femmes ménopausées, moins 34% de risque. Et pour le lymphome, encore plus spectaculaire, moins 76%. Voilà, extrait du traitement médiatique récent de l'étude de l'INRA pilotée par Julia Baudry et Emmanuel Kess sur les liens entre alimentation bio et risque de développer des cancers. Étude qui a été résumée en disant les personnes qui mangent bio ont 25% de chances de moins d'attraper des cancers. Nous en avons parlé à ce micro. On a entendu Emmanuel Kess qui était navrée du traitement médiatique elle-même en disant « À aucun moment mon étude ne propose une causalité entre les deux. » Elle constate de facto, tout en disant et avec un certain nombre de rectifications statistiques à sa cohorte, enfin bref, qu'il y a effectivement cette corrélation entre les gens qui consomment plus de bio et l'occurrence de cancer. Néanmoins, quand on produit ce type d'études, il est difficile d'imaginer que les médias ne vont pas s'en emparer de manière parfois un peu brutale, parfois un peu grossière, et donc vont établir de la causalité là où l'étude cherche à établir quelque chose d'un peu plus fin. Qu'en pensez-vous, Anne-Charles Fillodeau ? Bien, tout à fait. De même que tout à l'heure, on parlait de la problématique de l'interprétation, nous nous situons maintenant dans la problématique de la traduction. Que les médias peuvent faire des recherches, des résultats scientifiques, les médias s'exposant d'une certaine manière au même biais, hein, on peut se retrouver dans des biais au carré, pour reprendre les termes de l'INSEE, Pluckfos et Bogossian, qui ont intitulé leur canular comme un socal au carré. Philippe Hunemann, il y a encore une fois, je ne veux pas mettre en cause la bonne foi, au contraire, d'Emmanuel Kess qui s'est exprimé à ce micro, mais quand on publie ce type d'études, il est difficile de faire abstraction de la façon dont elle va être récupérée, de la façon dont on va en être dépossédé. Oui, enfin, je pense que ça doit être difficile. Après, je pense aussi que c'est pas aux chercheurs qui font des études épidémiologiques de corriger des choses qui se passent pas dans leur propre champ, en particulier la manière dont on va traiter les informations. Je crois que, si vous voulez, il y a un problème déjà. Les statistiques et les probabilités, c'est très compliqué. Ça a l'air extrêmement simple. L'esprit humain est pas fait pour ça. Donc c'est le biais des grands nombres, hein, qui est un biais classique. C'est ça. Oui. On n'appréhende pas du tout les grands nombres. Pas du tout. Et donc on comprend pas. Et donc dès qu'il est question de la causalité, à la limite, on comprend peut-être un peu mieux. Et donc dès qu'il est question de parler de ça, donc dans l'étude du bio, en fait, vous diminuez de 0,6% votre chance d'avoir un cancer, le sens absolu d'avoir un cancer. C'est le risque grand absolu chose. Par rapport au risque relatif. C'est ça. Voilà, et donc il y a des cas dans la vie où ce qui compte, c'est le risque absolu, Et il y a des cas dans la vie où ce qui compte, c'est le risque relatif. Et finalement, dans la vie quotidienne, on arrive à peu près à faire la différence. Mais quand on lit des études ou quand on lit des rapports sur les études, on l'a fait très très mal. Et ça, c'est un problème qui peut pas être réglé par les scientifiques eux-mêmes. Ça a à voir avec l'éducation, ça a à voir avec le... Alors, il y a des auteurs qui pensent qu'il y a des biais qui font que, par exemple, on peut pas comprendre les statistiques justement parce qu'on va minorer les fortes probabilités, majorer les faibles probabilités. Donc, je pense que là, c'est un... Ouais, ça, on touche à un autre problème, quoi, si vous voulez. Il y a des secteurs, en tout cas, de la science. Là, on parle du bio. On peut évoquer un cas d'école, l'affaire Séralini en 2012. L'affaire Séralini, je la rappelle aux auditeurs, c'est ce professeur qui publie une étude sur l'influence des OGM sur des rats avec des photos extrêmement spectaculaires de rats avec des tumeurs gigantesques, tollées dans la communauté scientifique, problème de méthodologie gigantesque. Et là, on est tout de même, il semble, dans une forme d'idéologisation de la recherche, c'est-à-dire de volonté à tout prix de démontrer, là, sans mettre en cause la bonne volonté ou la méconduite scientifique de Séralini. Il y a quelque chose sur les rats qui ont été choisis, on ne va pas revenir là-dessus, on va vous mettre des liens pour que vous reveniez sur ce cas-là. Mais sur ces sujets-là, on a l'impression qu'on est sur des sujets qui sont tellement sensibles sur le secteur, dans la société, que la science elle-même n'est plus à même de se départir d'une idéologisation dans son approche scientifique de ces sujets. Philippe Hunemann. Oui, je pense que là, c'est Séralini, donc c'est les questions relatives aux OGM. Il y a un double problème. Le problème très général, c'est que la question des OGM, enfin comme toutes ces affaires-là, en fait, c'est compliqué. D'une part parce qu'il y a plein de types d'OGM, d'autre part parce qu'il y avait la question des herbicides, des pesticides, d'autre part parce qu'il y a une question scientifique, biologique sur ces affaires-là et la question du modèle économique dans lequel elles emploient. Et puis, par ailleurs, le fait que la plupart des gens, enfin, moi, j'avais lu quelque chose, on demandait aux gens dans la rue dans quoi il y a des gènes. Les gens disaient, il y a des gènes dans les OGM, comme s'il n'y avait pas de gènes dans autre chose. Donc, évidemment, les gens qui ont ces représentations-là ne peuvent pas du tout comprendre ce qui est en jeu. Mais sur le secteur des OGM, vous voyez bien, et c'est la même chose, par exemple, on peut le transposer au glyphosate. Vous voyez bien que c'est des sujets, notamment, dans lesquels, quand on cherche et quand on essaie de faire même un travail de vulgarisation, dans lesquels la littérature scientifique est tellement idéologisée de part et d'autre, c'est vrai pour le nucléaire, par exemple, qu'on a l'impression que la science elle-même n'est plus capable de se départir du clivage politique et idéologique qui est celui qui divise la société. Je pense qu'il faut voir les manières sous lesquelles elle est idéologisée. Je suis pas certain que ce soit exactement de l'idéologie. En fait, il y a une chose qui est quand même en jeu, c'est la taille des financements. Donc, par exemple, quand les gens pensent biais de financement, les gens pensent vous êtes financé par Monsanto, vous allez dire du bien des produits Monsanto. C'est pas complètement faux, et sur ce point-là, on pourrait tout à fait dire que quand il y a une étude qui est faite par des gens qui ont été financés par Monsanto, si vous la comparez avec d'autres études, vous allez le pondérer un peu différemment d'une étude faite par des gens qui sont pas du tout financés par Monsanto. De même qu'une étude financée par Greenpeace. Exactement. Etc. Mais alors, l'autre aspect, c'est que les études, ça coûte cher, et si personne vous donne de l'argent pour les faire, elles seront juste pas faites. Donc c'est la différence entre, si vous voulez, sur par exemple la question du glyphosate, sur... Il y a des choses qu'on sait et il y a des choses on pourrait tout à fait dire. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais toutes les études qu'on a sur le fait que le glyphosate, non, il n'y a pas d'association entre le glyphosate et tel problème, le glyphosate et tel autre problème. Effectivement, on a plein d'études là-dessus. Certaines, on va dire oui, elles sont biaisées parce qu'elles sont financées par Monsanto. D'autres, elles ne le sont pas du tout. Mais ça, ok. Par ailleurs, il est aussi naturel que les industriels testent eux-mêmes leurs produits. Absolument. Hein, sans dire que les études de Monsanto sont meilleures. Exactement. Loin de moi. Mais c'est absolument naturel de demander. Les laboratoires pharmaceutiques testent leurs produits et font des études pour savoir. Quand vous mettez un produit, c'est normal qu'on vous demande de prouver. De payer pour prouver qu'il est inoffensif. Mais l'autre aspect, c'est les choses qu'on ne sait pas parce que personne ne les a financées. Par exemple, on peut se dire, oui, il n'y a pas d'association entre tel cancer et machin, tel cancer et truc, sur 5 ans, mais les associations entre toutes les autres pathologies possibles sur 20 ans, on ne les a juste pas testées parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Et c'est ça un autre aspect du biais de financement. Sans parler des effets pour les OGM, des effets sur la biodiversité qui sont extrêmement problématiques et pas testés. C'est difficile à tester en milieu ouvert, de même que les cancers sont multifactoriels, donc c'est toujours difficile de dire une molécule crée tel type de cancer. Ce qui se donnera lieu à une autre émission. Peut-être un mot quand même pour conclure rapidement l'un et l'autre. Tout ça induit à mon sens quelque chose de néfaste, et j'aimerais vous soumettre cette dernière question dans l'esprit des citoyens. C'est que la science n'est pas fiable. C'est qu'elle peut être manipulée, elle peut utiliser pour servir tel ou tel intérêt. Et c'est que donc finalement, ça participe de la défiance collective que l'on peut constater aujourd'hui du discours scientifique. Qu'en pensez-vous, Anne-Chère Fiodo, pour conclure? Oui, c'est vrai que c'est une antienne qu'on entend beaucoup. Cela participe sans doute d'une méconnaissance déjà du fonctionnement scientifique. Et puis, ça participe aussi du fait que en France, on a du... On mise beaucoup sur le détachement du chercheur, mais on a du mal parfois à accepter que le chercheur est un acteur dans la cité et que finalement ses recherches recoupent des positionnements politiques. Voilà, c'est quelque chose qui... Ben, je vois que... Oui, on arrive dans les toutes dernières secondes. Philippe Hunemann, un tout petit mot à ce sujet-là, sur la défiance des citoyens du fait de ces problématiques-là. Je pense que c'est la manière dont la science fonctionne, et encore une fois, tous ces processus de correction dont j'ai parlé, qui peut légitimement, jusqu'à un certain point, faire que les citoyens se défient de la science. Alors évidemment, ce serait beaucoup trop de se défier de la science. Se dire que, par exemple, il y a des résultats qui sont survendus parce qu'il y a des logiques où on a besoin de récupérer de l'argent, etc., pour faire ses recherches, ça a des effets sur la science et donc sur la foi, la confiance en la science. Oui, ça, c'est problématique. Vous voyez que c'est un sujet vaste et nous aurons l'occasion, en tout cas, d'y revenir parce que c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne Chalard-Fillodeau. Merci Philippe Hunemann. Je précise que vous venez de publier Temps de la nature, nature du temps au CNRS édition, un ouvrage que vous co-dirigez avec Christophe Bouton. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. J'ai quelques secondes pour vous rappeler que vous avez encore quelques heures pour nous soumettre vos questions scientifiques les plus saugrenues, les plus complexes, les plus folles, pourquoi pas, puisque la semaine prochaine nous allons enregistrer notre 500e émission et nous poserons les questions les plus originales à notre parterre de chroniqueurs du vendredi. Vous nous postez ça soit sur le mail lamethode@radiofrance.com, soit sur Twitter avec le hashtag LMS500. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'est Jordan Fuentes à la technique. Demain, eh bien, ce sera un vendredi actu avec certains de vos chroniqueurs favoris. On parlera justement du temps, de patience, de la greffe de visage, d'une molécule pour lutter contre le stress. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.